Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance! Au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de ces nouvelles choses, de ces découvertes que vous allez faire. On a reçu cette semaine pas grand-chose, honnêtement. C'est une très petite semaine, seulement 2 albums de Franco qu'on s'en va entendre. On a aussi reçu l'album de Artist of the Year qui s'appelle Wreck, la discothèque, que j'ai très très hâte de vous faire entendre. Mais avant, on commence par la formation Les Concassés. Leur album s'appelle 099 et voici Lac Saint-Jean à La Chance au coureur. Vous êtes à la chance au coureur, on vient d'entendre la pièce Lac Saint-Jean des Concassés. Maintenant, voici leur pièce Longue Ligne avec des traits d'union. C'est plus un dessin qu'un titre, vraiment. Suivi de La Mort du Rock à la chance au coureur. Après Sac Buggies, j'arrête tout. Je vais arrêter de boire du bon scotch aussi. Ça va être dur. Il y a deux choses que j'adore dans la vie. Le bon scotch et le jazz. Du rock de la formation Les Concassés. Leur album s'appelle 099. Parlons un petit peu de ces Concassés. Leur biographie va comme suit. Les Concassés, c'est une friandise à l'oreille, une bouffée d'air accrocheur, saccadé et parfois brutaux qui vous proviennent tout directement d'une cité quasi perdue au lac Saint-Jean. La marchandise consiste en quatre jeunes hommes dynamiques, un produit du terroir 100% original qui, une fois réunis sur les mêmes planches, vous produiront des sons et des bruits d'une intensité mélodieuse. En premier lieu, vous goûterez l'enrobage de métal onctueux, puis le rock psychédélique planant fondra dans vos oreilles, et enfin le jazz improvisé et le country se mêleront pour donner ce son incomparable aigre lourd, craquant et velouté. Que vous les partagiez avec d'autres ou que vous les savouriez seuls, les Concassés vous procurent une expérience sociale bien supérieure à la somme de ses composantes. Une combinaison idéale. Les ingrédients utilisés sont d'une très grande fraîcheur et ont régulièrement été soumis à des prestations effrénées un peu partout avec des produits de renom. Le tout vous sera livré sous un sceau de fraîcheur garanti. Un véritable plaisir à découvrir. Les Concassés, le goût de la campagne à la maison. Sur ce, bon appétit et bonne écoute. Quelle belle biographie des Concassés, comme ça qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le myspace.com/lesconcassés. Évidemment, con avec un S et cassé avec un S aussi, vu que c'est au pluriel. Et Concassés, con-cassé.com. Les membres sont Christian Allard à la baise, Alexandre Lachance à la batterie, voix et arrière, Benoît Théberge à la guitare, voix et arrière, Fabrice Boutin à la guitare, la voix et les frontales. Influence The Melvins, The Sonic Youth, Phantomas, Mr. Bungle, John Spencer et plusieurs autres, dont Black Sabbath, similaire à un double scotch pas de glace. Et vous pouvez alors entendre leurs pièces Lac Saint-Jean, Players Light, Queen Size, Firenze Café, La Mort du Rock, ensoleillé partiellement nuageux, difficile à lire. Tout ça sur le myspace.com/ les cons cassés, il y a un paquet de choses là-dedans et à télécharger aussi. Donc amusez-vous, hein, ils vont être en spectacle, j'oubliais de le dire, ça s'en vient dans quelques secondes, la date du spectacle c'est le 18 août au Festigrunge à Saint-Jean-de-Matha au Québec. Voilà, c'est bien dit. Donc, on a entendu trois pièces jusqu'à maintenant. La Mort du Rock, précédée de l'Interlude. Et avant, c'était Lac Saint-Jean. On s'en va entendre pas mal, presque back-to-back. Les dernières pièces de l'album. La quatrième, c'est Players Light, Queen Size. La cinquième, Firenze Café. Et la sixième, Ensoleillé partiellement nuageux. Tout de suite, à la chance, au coureur, à C'est Fou 89.fm, la radio la plus impressionnante au monde. Players Light, Queen Size, des cons cassés. On continue l'écoute de leur album 099 avec la pièce Firenze Café et ça commence maintenant. Un samedi soir, dans un bar, t'as bien au but de l'on est 5 heures dans la même au musique de demain, aujourd'hui. C'est fou 89.1. Se dit de rock progressif metal, les concassés avec les trois dernières pièces de l'album, c'est-à-dire présentement ensoleillé partiellement nuageux, précédé de Firenze Café et de Players Light Queen Size. Pour plus d'informations sur le groupe, allez voir le www.con-cassé.com ou myspace.com/lesconcassés ou passez par le site de La Chance au coureur au www.unechance.com. On enchaîne avec un artiste de rap, ADN. Voici la pièce titre de C'est dans mes gènes, précédé de l'intro, tout de suite à La Chance, au coureur. Oh,

Au retour, on parle d'ADN et on écoute d'autres pièces de C'est dans mes gènes. À la chance au coureur, à C'est fou 89.fm. Votre chance au coureur continue avec une autre pièce d'ADN. Voici Save the Music featuring Kenya. À C'est fou 89.fm. Dehors présentement, devant ma feuille blanche, ça fait un bon bout de temps. Je me demande si ça vaut la peine de fonner ce que je pense sur des bouts de papier. Sans savoir où ça mène, je me pose la question. Sérieux, je me le demande. Dans l'industrie pour l'époque, est-ce qu'elle me demande? Je me crispe bien de la réponse. C'est cher comme une présence. Qu'est-ce que je me fous vaincu? Voici, lève-toi, recommence. Me fous de ce que le monde pense. Prends mon stylo, j'écris ce que je vis. Ça m'a permis d'atteindre d'autres niveaux. La musique, c'est ma vie. Il faut que je l'aille à tout prix. Et tout deviendrait gris si on me l'enlevait aujourd'hui. Avec tes notes académiques, faut qu'on sauve la musique. J'mise sur mon sens rythmique. Sans elle dans mon charme, man, j'panique. Sans elle, ma vie coule comme Titanic. Depuis le temps qu'on pratique, j'peux être sûr que c'est pas une pièce. Tout devient gris quand on me l'enlève. Sans elle, j'suis comme un arbre sans sève. Comme un oiseau sans aile. Ça fait partie de moi, man. Pour moi, c'est essentiel. La musique coule dans mes veines. Une vie sans elle, ça serait trop long. C'est comme le sexe sans portée, ça serait trop con. Mon rêve, c'est faire de la musique et d'en faire. Et chaque fois que t'enlèves une chance que ça l'arrive. La musique pour moi ce n'existe. Serais-je pratique mon lexique. Chance qu'elle existe. Faire de la bombe comme celle qui arrive du Mexique. Un bon mix, des beats pis des lyrics. Des remix. Je vends des foules entières qui réagissent. The Music, ADN featuring Kenya, à la chance au coureur. Vous savez, de l'album C'est dans mes gènes, parlons un petit peu de ADN comme ça. C'est le 19 juin dernier que le groupe de hip-hop québécois ADN prit d'assaut la province avec son premier album intitulé C'est dans mes gènes. Issu de la rive sud de Québec, le groupe a longtemps roulé sa bosse aux côtés d'artistes réputés et peut maintenant profiter d'une bonne visibilité dans tous les bons magasins, dit le communiqué de presse. ADN, c'est un duo composé de Burn et de Smoke, deux MC et amis de longue date. Après avoir fait partie d'autres groupes durant quelques années, le collectif vu le jour en 2000 et s'est fait connaître en assurant les premières parties des spectacles de Two Faces, Tactica 83 et plusieurs autres groupes de la région de Québec. Indépendants et créatifs, les deux auteurs-compositeurs-interprètes ont su allier détermination et originalité afin de se démarquer et faire jaser les observateurs du mouvement hip-hop.

bars closed on Sundays. We're picking up the pieces on a cloudy day. We're picking up the pieces on a cloudy day. Sunstained bottles on the doorstep. A John Deere head in a three-piece suit. Standing on the corner speaking traffic and waking up the neighbors with the gumboot snap. There's an executioner with a coffee, handing out condoms to saints. And the porch lights burn and the clouds are high, and the liquor store's closed on Sundays. We're picking up the pieces on a cloudy day. We're picking up the pieces on a cloudy day. We're picking up the pieces on a cloudy day. We're picking up the pieces on a cloudy day. And found today, and everyone's got a camera and invitations for their bands. They're looking for those with convictions, the kind of jail house folks would like instead. And the liquor store's closed on Sundays. We're picking up the pieces on a cloudy day. We're picking up the pieces on a cloudy day. Cloudy Day de Mark Berrybay. L'album s'appelle What the River Gave the Boat à la chance au coureur. C'est un homme à racines manitobaines et québécoises avec un répertoire musical diversifié, un piano, un accordéon, de la guitare et une voix. Tout ça supposément désarme son public. Hein? Ça donne le son rempli de différentes facettes, comme on dit, de Mark Berrybay. Donc, son deuxième album, Sketches from the Sidewalk, a été beaucoup joué sur la radio de CBC et dans les stations de radio collégiales et universitaires partout au Canada, et aussi en Norvège et dans les stations de radio publiques de la Suisse. Voilà. Il a fait des tournées au Canada 5 fois et l'Ouest de l'Europe 4 fois. En tant que musicien et en tant qu'artiste de Spoken Word, Mark vient tout juste de terminer son 4e album qu'on vient d'entendre, What the River Gave the Boat. Il compose aussi de la musique pour la danse et le théâtre. Récemment, il a travaillé avec le Leaky Heaven Circus de Vancouver. J'ai été voir sur le site markberrybay.com, Mark avec un K et berrybay.com, voilà. Ça dit que l'album What the River Gave the Boat sera suivi bientôt par What the Boat Gave the River. Donc, c'est un genre d'album ou suite d'album avec concept derrière ça. Donc, tout de suite, on écoute Pretty Little Bird, The Saint of Vancouver, à la chance. Au coureur! While the rain comes down like confetti, thrown out of some fat man's head, it hits the ground and makes a sound and kicks the spit out of this small town. But it has a pretty little bird. Now the garbage tries to pass as graffiti, and there's taxi yellow midnight sunlight. There's a neon sign that tells the time and spotlights a petty little crime seen by a pretty little bird. It thinks la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I'm a pretty little bird. There's a woman haunted by a back alley stalker, a shadow walker with a wooden cane. She turns around and knocks him down and takes his cane as a crown, then blows a kiss to a pretty little bird. Now the police car starts to go circus, as they chase a running man down the street. He climbs a fence and things go tense as the guns come out and try to make some sense. And they see a pretty little bird. They think la la la la la la la la la la la la. A pizza joint on the corner on fire, a 3 a.m. bonfire redder than a stop sign. Up goes the smoke, it's chased by ghosts running from the grease fire hose and looking for a pretty little bird. And the church has its congregation as they're standing on the church's front steps. They look above and see a dove having love without the glove with a pretty, pretty little bird. They think la la la la la la la la la la la la la. Taking on the cowboys now. Mark Berube avec Cowboys de l'album What the River Gave the Boat. On enchaîne avec un album de Jay Semcoe. Voici Rolling On à la chance au coureur. Wake up, you just won the Stanley Cup. It was just a dream, still playing on the losing team. Plug in, plug in, turn it on and let's begin to make this noise. Send it out to all the girls and boys. Send it on out to all the girls and boys. Make it me, make it me. Be the one who's on TV. Another selfish pig on the verge of something really big. Spend it all, walking over the waterfall on a tightrope twist. Whoever thought it would come to this? Forget you and the horse you rode it on. Forget you and the horse you rode it on. Forget you and the horse you rode. This toxic stew. When the ice caps melt, you'll remember how good a cold day felt. A test to see who's gonna come second best. Here in tiny town, they'll crush you till you're 6 feet off the ground. Respond, respond to the scum swimming in the pond. They're all crawling out, wanna see what the noise is all about. You'll do anything they want you to. You smile and wave as they drag you by the hair into the cave. Forget you in the horse you rode it on. Forget you in the horse you rode it on. You and the horse you're running on, yeah, yeah, yeah. You brute, you brute. Walking around in your birthday suit. You're the patron saint from the church of zero self-restraint. My fault. I left the money in the vault. So safe inside. Like the smile on the lips of a wild bride. Smile on the lips of a wild bride. Get on, get on. In the morning you'll be gone to another place where you might as well be in outer space. Another car crash in another race. In love, it's the thing you've been dreaming of. The war's been won. To load up another big fat gun. Time to load up another big fat gun. Forget you and the horse you're rolling on. Forget you and the horse you're rolling on. Forget you and the horse you're rolling on. Yeah, yeah, yeah. Forget you and the horse you're rolling on. Forget you and the horse you're rolling on. Forget you and the horse you're rolling on. Yeah, yeah, yeah. Le folk rock alternatif country de Jay Semcoe. L'album s'appelle Red Berry. On vient d'entendre la pièce Rolling On. Et pour du alternative country, j'ai pas détesté. Quand même bon. Si vous voulez plus d'informations sur lui, c'est jsemcoe.com. J-J-A-Y Semcoe, S-E-M-K-O.com. Jay Semcoe qui performe avec plusieurs différents musiciens à différents moments et aussi en tant qu'artiste de solo. Cet album-là, c'est un album solo qu'il a enregistré l'hiver dernier. C'est un album de 11 pièces. Il a enregistré ça avec ses amis dont les gens de chez Cosmic Twins, parce que c'est produit par The Cosmic Twins, cet album-là. Ses influences, Rolling Stones, Johnny Cash, June Carter, Beatles, Birds et un paquet d'autres. Vous pouvez aller entendre des pièces, dont celles qu'on a entendues, dont Red Berry, dont Rob Roy Room. Non, je crois que celle qu'on a entendue n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même myspace.com. Barbic, The Real J. Semko. Tout de suite, on écoute la 9e pièce de l'album. Elle s'appelle Red Berry et ça va conclure la première heure à la chance au coureur. On découvre les nouveautés musicales avec vous pendant encore 2 heures à C'est Fou 89.fm. Flipping through the pages, acting half your ages, making crazy promises you'll keep. Seems you've seen this all before. All you need and nothing more. Never good to look before you leave. I sing until the sun comes up, filling up your coffee cup, half awake and smiling at the sky. Pelicans and hummingbirds, all the best songs have no words. All the finest singers need to fly. Semko avec la pièce titre de l'album Red Berry à la chance au coureur. Dans la deuxième heure, restez là parce qu'en musique, on va entendre National Parks et mes préférés d'avance, c'est presque déjà prévu, Artist of the Year. Hein? Restez avec nous sur C'est Fou 89.fm. Hook me up onto the power line, cause I got watts to spare. I'm gonna light the lantern, come on. Hook me up onto the power line, cause I got watts to spare. I'm gonna light the lantern, come on. Hook me up. Hook me up. Hold on, don't let your low cash flow make you go wrong. My mama bring me like a dime. So when the lightning strike, I gotta bring the power to your life before long. My circuits, no, I'm the electrician. I leave my breakers in the opposition. Come out the dryer full of static devices, charges automatic. Boost the cables, take me on my mission. Hook me up onto the power. driving into town to take a look in around. And then I notice how all the kids are waiting to hear a sound. I asked the dude whose beard that was there connected to the ground. I cranked the genie up and then the music begins to pound. Hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna light the lamp. Speakers 2,000 watts slide into the electron dance. I shock the room with glow in the dark pants. My arms dangling all the wires from the sockets. People in the place getting charged like rockets. From the electro-boogaloo to the quick-step jet, I ride the light into your radio set. Hook me up onto the power lines. I got watts to spare. I'm gonna light the lamp. The National Parks et Powerline de leur album Timber Vision à la chance au coureur. Maintenant, vous allez me permettre. De chanter vite, ça, je vais vous demander, vous allez me permettre de chanter vite. C'est fait. Donc, Timber Vision est le nom de l'album. Je vais vous allez me permettre, c'est ce que j'allais dire, d'utiliser les ressources de recherchistes de Radio-Canada et bandeapart.fm pendant que la prochaine pièce, la troisième de l'album joue. Elle s'appelle, en passant, Walk the Walk. On va parler un petit peu d'eux, de National Parks. Hein? Pourquoi pas passer un petit peu de temps là-dessus. C'est quoi, premièrement, dit Bande à part? Sous forte influence de musique africaine, de negro spirituals, de gospel et de hip-hop, Timber Vision est un hymne électro-soul et visuel en hommage à la nature sauvage concoctée par les ex-membres de Free Worm, revenus de leur promenade dans le fin fond des bois pour nous livrer ces musiques et ces images écologiques de bonne tenue. Un disque fabriqué dans le fond des bois, dit-il. En bonne partie, donc Vincent Letellier, alias Free Worm, aux paroles et musiques, Chiwimwe Miller à la parole, aux paroles et aux musiques, et Ian Cameron à la réalisation vidéo. Ils ont passé 2 ans dans le bois à la ZEC, bras coupés des airs dans le nord de l'Outaouais, et ont recueilli sons et images de la nature pour fabriquer leur mixture sobre et dansante de chansons aux titres évocateurs. Par exemple, The Swamp, Border Patrol, Down by the River et Marvels of Animal Behavior. Ces musiques prises pour elles-mêmes pourraient bien devenir la bande originale officielle de votre prochain rassemblement Rainbow. D'accord. Mais les images, elles, continue l'article de bandeapart.fm, c'est justement avec les images de Ian Cameron que les musiques de Timber Vision prennent tout leur sens. Ces chansons sont presque indissociables des images qui les illustrent. Leur code génétique est si intimement lié à la nature dans laquelle les membres de National Parks ont conçu ces chansons que les sortir de leur contexte vidéo les confine à une linéarité et une monotonie d'ensemble qui disparaît lorsqu'on voit les trois larrons à l'œuvre dans le fond des bois. Voilà l'œuvre véritable, c'est le DVD de ce coffret. C'est d'ailleurs la raison qu'on en parle, on avait déjà reçu l'album il y a quelques semaines, assez fou, mais on vient de recevoir cette semaine la version CD et DVD, que je vais peut-être me gâter avec ça. C'est un très grand plaisir d'assister à ces petits bouts de films qui nous immergent dans ce voyage au pays de la mouche noire. La forêt boréale devient le théâtre de leur magnifique délire très rythmé. Le plaisir de visionnement et d'écoute est alors immense. Et la conclusion? Difficile de résumer en quelques mots cet objet musical et vidéo hybride qui se décline dans le vert et le brun. Musique efficace, refrain accrocheur, héritage chansonnier riche, Timber Vision offre néanmoins des chansons qui se prendront mieux avec les images bien assis sur la plage, les pieds au bord du feu. Donc c'est signé Tony Tremblay, une écoute verte et brune de Tony Tremblay sur bandeapart.fm et vous me pardonnerez le vol flagrant de ce texte. L'album est sorti le 5 juin 2007 avec la version CD-DVD qui vient de se rendre jusqu'à C'est fou. C'est un groupe qui vient... En fait, ils viennent de plusieurs villes, si je me rappelle bien, si je clique sur leur fiche d'artiste ici. Voilà. Donc, nés dans les recoins du Québec, du Malawi et de la Colombie-Britannique, les trois membres de National Park sont grandis dans les rues multiculturelles de Montréal. Si vous voulez plus d'informations, je vais poster le lien vers la critique de l'album et vers leur page d'artiste sur le site de bandeapart.fm. Pendant que dans 30 secondes du restant de Walk the Walk, on s'en va entendre la pièce Clickety-Clack de leur album dans quelques instants. Leur album s'appelle Timber Vision. Et je vous rappelle que vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On reçoit le camion de nouveautés comme à chaque semaine et on épluche ça un à un. Il nous reste encore un paquet d'alternatives anglophones, un petit peu de rock et un paquet de belles choses à découvrir d'ici les presque deux prochaines heures. Mais tout de suite, voici The National Parks avec Clickety-Clack à La Chance au coureur. Life, I was a 6 foot wonder, now I'm 6 feet under. Time's always in my way, been stealing my thunder. I can't go back to where I'm from, I must make right from wrong. Please get off my trail, I've got to leave my swan song. Hear me. Wild man running, don't break my bones. Damn motor rolling, can't hear my tone. Got the summer fever now, get on home. The only crop you'll reap is sticks and stones. Summer fever now, get on home. The only crop you'll reap is sticks and stones. They call me time, I keep my pedal to the metal. If I can't slow down, won't let you settle. I finish your song, don't forget to give it a title. I got the living to cater to, better not catch you idle. I'll head out when I play my song, this will be my last act. I'll play it 50 ways, won't let my notes crack. I'll head out when I play my song, this will be my last act. Play 50 days and nights, won't ever backtrack. Wild man running, don't break my bones. Damn motor rolling, can't hear my tone. Got the summer fever now, get on home. The only crop you'll reap is sticks and stones. Wild man running, don't break my bones. Damn motor rolling, can't hear my tone. Got the summer fever now, get on home. The only crop you'll reap is sticks and stones. Moving. Don't even know where you're going. Moving. Moving. Come on, wild man. Moving. I'm going home now. Moving. Sticks and stones could. Moving. Break my bones. Moving. Sticks and stones could. Moving. Break my bones. They call me time, I keep my pedal to the metal. If I can't slow down, won't let you settle. I finish your song, don't forget to give it a title. I got the living to cater to, better not catch you idle. Wild man running, don't break my bones. Damn motor rolling, can't hear my tone. Got the summer fever now, get on home. The only crop you'll reap is sticks and stones. Wild man

nouvelle pièce de Artist of the Year. L'album s'appelle Wreck la discothèque et la pièce s'appelle Yeah. On continue avec la pièce qui s'appelle It Ain't Tight Enough pendant que je vous parle un peu de Artist of the Year comme ça sur un bout de carte. Les membres de Artists of the Year sont avant tout de vieux et bons amis. Originaires de Montréal, au Québec, Nathanaël et Camille se sont connus sur les bancs de la maternelle, tout comme Louis et David. Dit leur document de presse, les deux pères se sont ensuite retrouvés ensemble au secondaire, l'équivalent du collège, et la musique est très vite devenue leur passion commune. Dès 1998, ils décident d'y travailler avec une approche professionnelle. Le résultat fut la trouvaille d'un style original, funky et entraînant, le cut disco. Un genre méconnu apparu à la toute fin des années 70, toujours d'actualité, et que la formation nous fait découvrir avec brio. En tout cas, moi j'ai découvert ça, je savais pas que ça existait, je suis un fan de cut disco maintenant. Donc, déçus des concerts électroniques où, selon eux, l'ambiance de présence scénique nuit à la performance de la musique, les membres de Artists of the Year décident de mettre en avant une attitude résolument plus funk et de créer une présence remarquée et remarquable sur scène. Musiciens accomplis, ils prouvent alors que l'électro ne se résume pas forcément à un simple DJ devant sa console et sont capables de recréer en live ce qu'on peut entendre sur leur album. Là est la force première du groupe, c'est pousser le délire funk et fun et la tough attitude au maximum. Le Gala, c'était leur premier album, il est sorti en 2003 et fut réalisé de manière pragmatique et expérimentale. L'objectif était de sans cesse dépasser les limites de l'ordinateur pour le faire planter le plus souvent possible. Le Gala a été salué comme étant de la musique électronique ravageuse et recherchée. Le deuxième album, le premier qu'on a reçu assez fou, Code Disco, qui est sorti en 2005, c'est l'album phare de Artist of the Year, décrit comme étant à la fois frénétique, un appel à la danse et délicieusement désaxé. Le concept de l'album est un hommage à Vic Peterson, le fondateur, du mouvement Code Disco. Et pour Wreck la discothèque, qui est leur présent album, le plus récent opus de la formation électro-funk, l'objectif visé était de faire dans la spontanéité. Les membres de Artist of the Year ont donc pondu Wreck la discothèque en 3 mois intensifs, toujours enchaînés comme des esclaves dans leur studio Cheesy Sounds. Suite logique au disco déjanté du mouvement Code Disco, cette fois, la discothèque pourrait ne pas supporter les ondes de choc. La philosophie de Wreck s'apparente à l'aspect psychédélique et libertin des années 70, avec un son encore plus cru et sauvage que sur l'album précédent. L'amour inconditionnel pour la distorsion a donc permis d'établir de nouvelles textures sonores, une nouvelle gamme de bruits dont Artist of the Year n'est pas peu fier. Découvrez donc ce nouveau chef-d'œuvre dans une taverne près de chez vous et où n'importe quel disquaire descend. C'est leur dossier de presse à Artist of the Year. Mon opinion là-dessus, j'ai évidemment adoré ça. Code Disco, on avait reçu un single de Code Disco assez fou, ça fait des années de ça. J'avais vraiment accroché sur la pièce. Ensuite, on a reçu l'album complet. Je l'ai écouté. J'ai tellement adoré ça que je l'ai choisi comme chanson thème et comme fond pour les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. Et c'est d'ailleurs l'album Wreck la discothèque qui va entrer dans la rotation de mes fonds palmarès. Donc, si vous voulez en entendre plus, ça va être les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Il nous reste environ 45 secondes pour terminer cette pièce que vous êtes en train d'entendre. Ça s'appelle It Ain't Tight Enough. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe et vous procurer l'album qui est en magasin depuis le 26 juin, allez voir AOTY Artist of the Year.ca ou encore myspace.com/artist_of_the_year.html. Très, très belle adresse. Très belle place. Vous pouvez entendre des pièces de cet album-là, dont Yeah et dont Code Disco. Ça vous tente d'aller réentendre Code Disco, le single qu'on avait reçu. Très, très bonne pièce, très accrocheuse. La pièce elle-même dit qu'elle est accrocheuse. Elle dit j'ai une chanson poche pris dans la tête, genre, tu sais. Genre, ça dit ça dans la tête. Fucking my hair. Très, très fort. Donc, on s'en va entendre à l'instant même la pièce If It Ain't Dirty, It Ain't Fun. À la chance. Au coureur. We'll be right back. Yes, If It Ain't Dirty, It Ain't Fun. Du nouvel album Wreck la discothèque de Artist of the Year à la chance au coureur. Maintenant, on continue avec une des seules pièces que je n'utiliserai pas comme fond parce qu'elle a des paroles. Voici Led Swinger. Retour encore un peu de Artist of the Year à la chanson courante. On continue l'écoute de l'album Wreck la discothèque de Artist of the Year. Voici à la chanson courante. We'll be right back. Artist of the Year avec Haha à la chanson coureur. Dans leur ancien album Code Disco, ils faisaient des sketchs entre chaque quelques pièces. Ils n'ont pas vraiment gardé l'idée en tant que telle dans Wreck la discothèque, mais ils ont quand même fait quelques petites pièces qui ressemblent un peu à l'humour de Code Disco. Donc voici In My Room tout de suite. The Year. Vous allez pouvoir avoir des tonnes et des tonnes de pièces dans vos oreilles d'Artist of the Year si vous écoutez les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Maintenant, on change complètement de style ici à La Chance au coureur parce qu'on découvre toutes les nouveautés musicales avec vous. Voici une pièce de Evergreen Terrace. Leur album s'appelle Wolf Biker. Et je vous avertis, ça commence très sec. Voici Shaney Can't Quite Riff Like Helmets, Paige Hamilton à C'est fou 89.1 FM. Evergreen Terrace et jamais mon erreur entre les deux pièces. Oui, j'ai inversé les deux, mais si vous savez pas faire la différence entre les deux pièces, vous allez certainement pas faire la différence entre les deux titres. Voici tout de suite Shaney Can't Quite Riff Like Helmets, Paige Hamilton à la chance au coureur. We've had our guts against the wall, and now you said we proved it wrong. Looks like we finally made it. This time we finally made it. Evergreen Terrace avec leur nouvel album Wolf Biker. On vient d'entendre Cheney Can't Quite Riff Like Helmet Page Hamilton, précédé de la pièce titre de l'album Wolf Biker. À la chanson coureur, donc c'est Evergreen Terrace, un groupe de hardcore metal punk de Jacksonville en Floride aux États-Unis. Leur album sort le 24 juillet sur Metal Blade Records. Les membres sont Andrew à la voix, Craig à la guitare et la voix, Kyle à la batterie, Jason à la basse et Josh à la guitare. Il va être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis. Je ne vois pas de date pour le Québec, malheureusement. Non. Vous pouvez aller sur leur MySpace, au myspace.com/evergreenterrace pour entendre la pièce Cheney Can't Quite Riff et Wolfbiker et une autre qui a l'air de s'appeler New Friend Request. Je ne sais pas si c'est un hommage à MySpace, en fait. Bon. Et leur vrai site est sur... ils n'ont pas de vrai site, non, c'est ce qu'ils disent. Ils disent « What's a website? » C'est quoi, c'est un site web? Ils préfèrent rester sur MySpace comme plusieurs groupes le font. Vous savez ce que je pense de ça. J'aime pas vraiment cette idée-là parce que MySpace est selon moi passager alors que les sites web ne le sont pas. Mais quand même, ils passeront à la prochaine vague et à la prochaine mode quand il y en aura une autre. Voilà. Donc myspace.com/evergreenterrace. Leur album s'appelle Wolf Biker. Maintenant, on enchaîne avec un groupe qui s'appelle Sebado. C'est un groupe canadien. Leur album s'appelle The Freedman et il contient 52 pièces. Oui, vous avez bien entendu, 52 pièces, toutes plus courtes les unes que les autres. Les premières sont quand même, ils ont l'air longues les premières, 1 minute 48, 1 minute 37, 1 minute 31, ça continue comme ça jusqu'à la 52e. J'imagine que dans le milieu, il doit y en avoir des beaucoup plus courtes pour que ça rentre dans les quelques minutes, les quelques précieuses minutes qu'un album vous permet de faire. Donc de leur album de Freedman, on s'en va entendre tout de suite, back to back, dos à dos, de suite de fil en aiguille. Et on commence par LT Sick tout de suite, à l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à CFOU 89 FM. C'est la chance. Au courant. Bado avec LTC et on continue avec Level Anything à la chance au coureur. La pièce Level Anything de Sebado. On continue avec Soulmate et puis Lady Box. Je vais vous laisser écouter ces pièces-là sans trop parler entre chaque. Ça enlève un petit peu l'ambiance, voyez. C'est comme, c'est un gars qui ronfle, c'est une moto ou c'est quoi, on sait pas. On sait que c'est la chanson coureur, par contre. My soulmate is a special girl, a girl that's just like me. She'll share tremendous oral sex and try everything she sees. She won't be insane or hung up like most other girls. I'll worship her until it hurts, cause she's on top of my world. Ooh, I'm a sad man, but I can't ignore what life can hold for me. I'll probably have to have sex with a lot of girls before my soulmate reveals herself to me. Your sweet diversion as I stomp my darker way. Don't let your heart get out of hand, I'll step on it someday. Maybe it's too sad to mention, maybe I am gay. A moment or two may shine, I'm sure to quickly fade away. Ooh, it's a sad life. Sometimes real sweet girls get left behind. But baby, baby, baby, it's a man's life. Gotta tear up everything I find. I'm so happy, I feel like bouncing. Whee! Stop, kid. S-T-O-P. You're rocking the forest. There's a thin road in the country that can carry all you bring. Rendezvous with the devil's girls, the old man will try to sing. Take the pressure, couldn't take the drugs. Passage to forgiveness is lined with ladybugs. And you couldn't take the drugs. The passage to forgiveness is lined with ladybugs. Et voici une dernière pièce de Sebado. Elle s'appelle Close Enough de leur album The Freedman Songs by Lou and Eric. I like the old bouncy Tigger best. Everyone said that they too liked the old Tigger best. À la chance au coureur. Close Enough de Sebado, leur album c'est The Freedman. C'est un petit peu difficile de trouver des mots pour ça, hein. C'est quelque chose. Donc Sebado, l'album qui sort qui est sorti le 17 juillet. Donc, The Freedman, c'était en fait, selon leur document de presse, comme ça, The Freedman était l'une des premières sorties, si on veut, du mouvement lo-fi qui commençait à bourgeonner et qui a atteint son sommet dans l'attention des médias au milieu des années 90 avec le succès de Beck, Guided by Voices et Pavement. Mais là, j'essaie de traduire littéralement sous mes yeux comme ça. Même ça a aidé à inspirer et à définir le mouvement global. Il y a très peu de traces de cette ambition-là à l'intérieur de ces pièces, de ces badauds. L'album d'environ 70 minutes de brillance totale, c'est complètement brillant c'est ce qu'ils disent, il offre ici à l'auditeur l'opportunité rare et recommandée de se transporter dans une chambre à coucher remplie de drogues de différents genres. Où ces bouts de chansons et de blagues ont été enregistrés. Il vous recommande d'être imbibé profondément de la créativité qui s'est passée pendant les sessions d'enregistrement. Voilà. Donc, c'est enfin sorti en édition Deluxe. C'est le deuxième reissue, donc ressorti, si on veut, d'un album de Sebado de la part de Domino Recording Company US Division après la sortie l'année dernière de Three, je crois, III. Et voilà, le band réuni vient de compléter une tournée nord-américaine pour soutenir ce disque. Et c'est remasterisé, ça inclut 52 pièces sur un seul album, comme je vous disais tantôt. Donc plusieurs pièces qui n'avaient jamais vu la lumière du jour jusqu'à maintenant. Et aussi des notes par Lou Barlow et Eric Gaffney, les deux membres du groupe Sebado. Ça s'appelle donc The Freedman. Et si vous voulez plus d'informations sur eux, allez voir Domino Recordo, recordco.us. Voilà, c'est compliqué quand même, mais donc c'est Sebado. Voilà, pour eux, maintenant, on enchaîne avec un groupe de punk. C'est les Boys Night Out. Voici tout de suite Up With Me à la chance. Au coureur, à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est pour 89.fm. Company. retour, plus de Boys Night Out et 24/7 à la chance au coureur. Yeah. swift and unforgiving. A tidal wave, we all drown, we all drown, we all drown. We all drown, we all drown, we all drown, down, down, down. Swift and Unforgiving, précédé de Get Your Head Straight et Start et Up With Me, trois pièces du nouvel album de Boys Night Out, album éponyme, troisième album pour cette formation de Toronto qui est en magasin depuis le 26 juin dernier. Et puis il y a tout un texte là, sur leur document de presse là, qui dit que c'est difficile de trouver quelque chose de plus définitif, c'est un statement plus définitif de la part d'un band qu'un album éponyme. Souvent c'est le premier album d'un groupe qui prépare les années à venir, mais quand c'est un move fait par le band lui-même, qui a déjà un énorme fan base, comme ils disent, et qui a acclamé la critique partout dans le monde, eh bien là, c'est vraiment une grosse déclaration de faire un album éponyme. Hey, c'est vraiment quelque chose, un album éponyme, ça n'a jamais été vu, ça, jamais, jamais. Donc, Boys Night Out, un groupe de Toronto, comme je le disais. Les membres sont Connor Lovat Fraser à la voix, Jeff Davis à la guitare et la voix, Dave Costa à la basse, Andy Lewis à la guitare et Ben Arsenault à la batterie. Dans leur spectacle, ils n'en ont pour l'instant aucun au Québec, que je vois dans leur liste, non. Mais ils vont être un petit peu partout au Canada et aux États-Unis dans les mois à venir. Vous pouvez entendre leurs pièces Up With Me, Get Your Head Straight, Swift and Unforgiving et All Done Tightly, voilà, sur leur MySpace ou myspace.com/boysnightout. Sinon, leur site web, c'est boysnightout.com. Voilà, pour eux, c'est un groupe de punk canadien. Maintenant, on passe à un autre groupe de heavy metal qu'on a reçu cette semaine. Celui-là, ça vient de 24/7, le band. Et leur album s'appelle Chain of Events. Tout de suite, voici la pièce Heads or Tails. À la chance au coureur, à CFO 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Choices fail, the result remains the same. Heads or Tails de la formation de Victoriaville 24-7. Voici tout de suite une deuxième pièce, All Get Mental. À la chance au coureur! You all get mental. Someone who can get you all get mental. Someone who can get you all get mental. Someone who can get you all get mental. Sometimes I'm feeling high. Sometimes I'm feeling low. Sometimes I get a little crazy. Yeah, yeah, yeah. Sometimes I'm feeling fine. Sometimes I'm feeling low. Sometimes I get a little crazy. Yeah, yeah, yeah. La formation de Victoriaville 24-7 avec l'album Chain of Events. On vient d'entendre deux pièces, les deux premières de l'album, c'est-à-dire All Get Mental. Oui, tout à fait. All Get Mental et Heads or Tails. Parlons un petit peu d'eux avant de continuer avec la troisième pièce. Donc, c'est un groupe de métal alternatif rock, comme je disais, de Victoriaville, Québec, Canada. Les membres sont Thorn, Doom, Matt et Max. Voilà. Alors, c'est toi, Beto, 247music.ca ou myspace.com/247music. Malheureusement, je n'ai pas énormément d'informations sur le band, mais quand même, ça dit ici. Agressivité, arrangement de guitare très solide, rime rempli de puissance, précision vocale et intensité crue. et c'est le son livré par les gens de chez 24/7. C'est les gagnants de Budweiser La Relève, le concours en avril 2005. Ils ont reçu donc 15 000 $ pour faire un enregistrement d'album. Et c'est leur troisième, si je comprends bien. Donc, j'imagine que c'est depuis avril 2005 qu'ils ont eu le temps de faire trois albums. Ils sont ensemble depuis 2001 et le band est de plus en plus populaire. Une année après qu'ils aient commencé leur première compilation de matériel original, un démo de 6 pièces qui s'appelait Break Me, s'est vendu à au-dessus de 500 copies en quelques courtes semaines. Ensuite, c'était Not Like You, un album de 12 pièces sorti en septembre 2003. Et même si certaines pièces étaient sur un petit peu du côté lourd ou heavy, d'autres étaient très accessibles, dit leur texte. Le chanteur qui a une voix qui combine précision, mélodie et agressivité avec un petit peu de rap et réussit à exprimer tous les niveaux d'intensité des chansons qu'ils font. Et sur stage, 24/7 est unique, volatile et compelling. En tout cas, c'est très très bon, c'est ça qu'ils veulent dire. Je vais changer de sujet pour pas enterrer ma propre tombe. Donc, troisième pièce de 24/7, voici de leur album Chain of Events, la pièce Drink This Life Away. À la chance, au coureur à la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Fou 89.fr. In another few miles, go down and it's on his knees. Kids are mugging on the love teas, but the birds and bees have another sin. So he drinks this life away, and every single day since 17. Every single day it's been the same routine. Now he's 65, with nothing to say as he drinks this life. fantasy. So he drinks his life away. And every single day since 17, every single day it's been the same routine. And now he's 65 with nothing to say as he drinks this life. Tu diras pas le hallway? Non? Juste. Okay. 24/7 Music avec l'album Chain of Events. C'était trois pièces. Donc, Drink This Life Away, All Get Mental et Heads or Tails. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, allez voir le 24/7music.ca. 24 en chiffres, 7 en lettres, music en anglais.ca ou myspace.com/247music. Les mêmes règles s'appliquent. Donc, un petit groupe de Victoriaville comme ça, bien sympathique. Maintenant, on passe à un autre style de musique complètement différent, comme on aime le faire une fois de temps en temps à la chance au coureur. C'est pas mal l'idée de la chose. On reçoit des camions et des camions de nouveautés à chaque semaine. Dans ce cas-ci, c'était plus un genre de petite barouette. Donc, c'est ça. Et puis, on les trie, on les écoute tous ensemble pour la première fois. Donc, le prochain album, c'est Empire Isis, la formation, avec un album éponyme. Vous pouvez aller voir le EmpireIsis.com ou myspace.com/EmpireIsis. On écoute pour l'instant la première pièce de leur album, qui m'a l'air d'avoir un nom, mais que je ne vois pas. Tout de suite à la chance, au coureur, à Cifou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras listas. And on programs of social uplift is approaching spiritual death. Every time, cause when I deal with no visa, hey! Call me the the queen. We gotta get in line for the real pop diva. Isis, reminisce, you rock the mic, you can't resist. Season is this my bright drink, and maybe you'll get that kiss. Get up on it, get up on it, get up on it, get up on it. Hey, yes, you have been working, girls. Hit the moss, and you better bring it, boys. Hey, get up on it, get up on it, get up on it, get up on it. Hey, yes, you have been working, girls. Hit the moss, and you better bring it, boys. Hey, get up on it. From A to BK, went around with the MIA. Long time in a hero, the gangsters roll. Long time in a hero, the gangsters roll. Nothing can stop, we're ripping a mountain desert. Oh, God, I said we ready, yeah. Show them we rock steady, yeah. Move for a minute or a second or so. Every posse get flat. No shot, no half a fire. Every posse get flat. No shot, no half a fire. Every posse get flat. No shot, no half a fire. Au retour, Bad Religion, Ulrich Schnau, c'est le coureur de la semaine à la chance au coureur. Avec Honest Goodbye de leur album New Maps of Hell à la chance au coureur. Bad Religion qui vont être du Vans Warped Tour à Montréal le 12 août prochain, entre c'est écrit midi, j'imagine que c'est pendant la journée du 12 août au Warped Tour, donc à Montréal. Les membres sont Jay Bentley à la basse, Greg Edson à la guitare, Greg Graffin à la voix, Brian Baker à la guitare, Mr. Brett à la guitare et Brooks Wackerman à la batterie. Si vous voulez en savoir plus sur eux, ce groupe de Los Angeles dans le punk rock indie. Allez voir le myspace.com/badreligion ou encore le badreligion.com, plutôt évident à retenir. Vous pouvez entendre sur leur MySpace des pièces dont Honest Goodbye et la prochaine qu'on s'en va entendre qui s'appelle Heroes and Martyrs, mais qu'on va précéder par l'intro de l'album qui s'appelle 52 Seconds, qui en dure étrangement 57. Et restez là parce que plus tard, on écoute l'album de Ulrich Schnauss avec la voix de Judith Beck, ça s'appelle Goodbye. C'est la suite de son album de 2003, A Strangely Isolated Place. Et tout de suite, voici Bad Religion à la chance. OK, c'était un peu sec, mais au courant. Bad Religion, qui, je le rappelle, seront au Warped Tour le 12 août prochain. Oh, c'est le fun quand ça fait ça. À Montréal, 12 août. Maintenant, on enchaîne tout à fait tranquillement avec Ulrich Schnauss. Voici Never Be the Same de l'album Goodbye à la chanson coureur. We'll be right back. Le troisième album de Ulrich Schnaus, Goodbye. Ça fait au-dessus de 6 ans que Ulrich Schnaus a présenté son premier album, son premier mélange de textures électroniques. Donc, dans l'album Far Away Trains Passing By, qui est ressorti en édition Deluxe en 2006. Moi, je me mélange dans mes mots. Donc, le troisième album qui s'appelle Goodbye, vous pouvez aller voir pour plus d'informations le spectremusic.com, spectremusic.com ou Ulrich, U-L-R-I-C-H, très union Schnaus. Passez donc par le unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. Pendant qu'on écoute une deuxième pièce de l'album Goodbye, voici Shine à la chaîne Saucoureur. Thank you. Vous êtes à la chance au coureur et on écoute quelques pièces du nouvel album de Ulrich Schnaus avec la voix de Judith Beck. L'album est Goodbye, la suite de l'album de 2003, A Strangely Isolated Place. Et la troisième pièce se nommera Stars. On vient d'entendre Shine et Never Be the Same. Et juste après Stars, on va couronner notre coureur de la semaine qui, j'espère, va vous plaire. Hein? À la chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales avec vous pendant encore 10 minutes. À C'est Fou 89.fm. En passant, allez voir lunechance.com pour les liens d'émission si ça vous intéresse. Check that out. La troisième pièce du nouvel album de Ulrich Schnaus, Goodbye, à la chance au coureur. Et parlant de Goodbye, dommage, mais c'est la fin de la chance au coureur pour cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On a écouté un paquet de choses cette semaine. Les Concassés, ADN, Marc Bérubé, J. Samco, The National Parks, Artist of the Year, Evergreen Terrace, Sebado, Boys Night Out, 24/7, Empire Isis, Bad Religion et Ulrich Schnaus. Je couronne le coureur de la semaine de cette semaine. C'est mes amis de chez Artist of the Year. Leur album s'appelle Wreck la discothèque et on va se quitter sur une pièce qui s'appelle It is time for le party. Hein? Hein? C'est de même, c'est la fin de semaine si vous êtes le vendredi, donc ça tombe très bien pour vous. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis en rediffusion, les samedis et les mardis de midi à 14h. Et dans les palmarès, c'est fou, en direct les vendredis soirs à 17h, rediffusion jeudi 14h. La chance au coureur est en direct le vendredi matin de 10h à 13h et en rediffusion les samedis et mardis après-midi de 14h à 17h. Si vous écoutez le vendredi, restez là pour Rock Classique avec Alain Lefebvre, qui suit à 13h. Et si vous écoutez la rediffusion, alors restez là pour Kiwan et La Dernière Porte à Gauche. Ça commence dans quelques secondes à peine. Voilà, donc de la part de toute l'équipe fictive de la chance au coureur, mon nom est Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux, s'il vous plaît. Faites vraiment attention. Bonne journée et bonne chance! Would you like to party?